la personne que vous avez recrutée, qui avait sa thèse en 1900, passé sa thèse en 1993, oui. Vous l'avez recrutée récemment. Oui, c'est 2011 là. Donc, quel a été son parcours de 1993 à 2011, puisque chez vous, on ne travaille pas dans son coin comme nous. Donc, il faut que la personne soit restée dans un labo. Oui, au Canada. Donc c'est quelqu'un qui a soutenu sa thèse en 93, qui est parti faire un premier post-doc sous forme de post-doc classique au Canada, et qui, à l'âge où la plupart d'entre nous, c'est-à-dire au bout de 4-5 ans, la plupart d'entre nous rentrons en France pour essayer d'obtenir un poste, si on reste à ce moment-là en Amérique du Nord, souvent ce qu'on obtient, c'est des starting grants, et on a des gens qui commencent à monter leur équipe. Et donc cette personne-là, elle a été 10 ans au Canada, chef d'équipe. Pourquoi elle est rentrée ? Ah, c'est sa vie. Enfin, il y a... Non, je pense que on a des parents vieillissants. Enfin, moi aussi, je suis rentrée pour des raisons familiales et politiques. Le choc a dû être violent. Mais ça n'a pas suffi. La première fois, quand elle est rentrée, qu'elle s'est présentée, on s'est dit ah oui, mais bon, il a fait ses preuves au Canada. Qu'est-ce qui nous dit qu'il va réussir en France ? Donc, qu'il fasse ses preuves en France. Donc, c'est quelqu'un, non seulement, enfin, c'est quelqu'un qu'on a vu pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans où il avait fait une très grosse publication en France en re-signant premier auteur, donc nous on a, c'est très compliqué chez nous l'ordre des auteurs, hein. Le dernier auteur c'est le chef du projet, le premier auteur c'est celui qui a tout fait avec ses petites mains. Donc après avoir signé pendant 6-7 ans, dernier auteur ayant mené son équipe etc, il s'est mis à re-signer premier auteur dans une équipe plus grosse, avec quelqu'un qui signait dernier auteur, on se demande pourquoi. Et là au bout de 3 ans on a dit ah, bah oui, peut-être que maintenant il a le niveau d'être recruté CRA. Pour intégrer ce labo et enfin voilà, après c'est vraiment un choix et c'est un sacrifice, hein, je pense, parce que c'est pareil, le salaire a dû être divisé par 2, et puis ce qui est drôle c'est que maintenant, mais de toute façon il n'a pas de sous pour travailler, donc tant qu'il n'aura pas en plus, parce que enfin moi je sais pas comment c'est dans votre discipline, mais en biologie moi j'aime bien faire la boutade comme ça, de dire que ben en gros on est recruté puis après on est payé à rien faire parce que de toute façon on n'a pas l'argent pour travailler, donc il faut qu'en plus une fois qu'on a réussi à avoir notre poste, il faut qu'on arrive à avoir de l'argent pour pouvoir faire ce pour quoi on a été recruté, donc c'est quand même assez paradoxal. Nous aussi, tu as quand même un temps de levée de fonds si jamais tu as des enquêtes un peu coûteuses. Tu arrives avec ton salaire au CNRS, mais le laboratoire ne te donne rien à part un ordinateur. Et parfois un bureau, mais pas en histoire, parce qu'en histoire, ils n'ont pas besoin de bureau.